La chronique du football collégial, une présentation de Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini, là où l'expérience client est inégalée. On va parler de football collégial avec. On sait qu'en fin de semaine, les Gaillards de Jonquin vont jouer contre Saint-Hyacinthe, donc on les a jamais vus. Question de savoir un peu comment que ça va et comment est la préparation. On sait qu'on parle à un joueur de Dolbeau-Mistassini toujours et on va parler avec Mathieu Delisle. Salut Mathieu! Bonjour. Mathieu, première saison au football collégial, comment tu trouves ça? Ça fait pas mal différent de où j'étais avant. À Saint-Félix, c'était pas mal. On avait moins de pratique un peu. Fait que c'est sûr, ça coûte plus de temps, c'est plus intense, mais j'aime bien ça. OK. C'est plus rapide, j'imagine. Tous ceux-là à qui j'ai parlé cette année, où ils m'ont dit qu'ils ont fait le transfert de l'école secondaire au collégial, disaient que c'était plus rapide, c'est ça? Ouais, le calibre est pas mal plus fort, fait que oui, tout est plus rapide, puis les joueurs sont plus gros aussi. Est-ce que vous êtes bien préparé quand vous êtes à Saint-Félicien? Vous êtes bien préparé? Oui, on est quand même bien préparé. C'est sûr qu'on fait avec ce qu'on a. Ouais. Il n'y a pas beaucoup. C'était pas une grosse équipe, là, mais mon coach qui était là, Kevin Tremblay, s'est donné corps et ombre pour faire vivre notre équipe. Là. OK, OK. Dis-moi, si on parlait maintenant du côté de la demi-finale contre Saint-Hyacinthe, comment tu vois ça? C'est sûr que ça va être un gros match. C'est une équipe qu'on n'a jamais vue avant. Il y a beaucoup de vétérans qui les ont affrontés l'an passé au bol d'or, mais moi j'étais pas là. Fait que je sais comme pas trop quoi match. Fait que ça va vraiment être l'équipe qui va être le plus préparée, qui va triompher. Là. OK. Est-ce que le fait que William Saint-Pierre est un cas douteux, est-ce que du côté des. Est-ce que ça vous inquiète? On a confiance en les gars qui sont là. Okay. Moi, ça va quand même bien aller de ce côté-là. OK. C'est juste un bon morceau, mais les joueurs sont capables de prendre la place. Ton entraîneur me dit que tu as progressé, tu as très, très bien progressé cette année. Est-ce que tu sens vraiment que dans ton jeu, tu as vu une progression? Ouais, au début de l'année, ça allait sur. Puis plus la saison allait, plus je prenais confiance en moi, puis plus je faisais des jeux. OK. Comment tu vois ton avenir au football? Est-ce que tu vas jouer au collégial? Est-ce que tu vas aller à l'université? C'est quoi de ce côté-là? Moi j'aimerais ça jouer à l'universitaire. C'est sûr que c'est encore un peu tôt pour parler de ça, mais c'est sûr que c'est ça que je vise, fait que je vais mettre les efforts pour. OK, OK. Dis-moi si je me trompe, mais t'es un joueur de ligne, c'est ça? Ouais, un joueur de ligne défensive. Donc, l'an prochain, tu vas jouer ta deuxième saison. Il y a beaucoup de joueurs qui s'en vont. Quelque part, ça doit vous inquiéter un peu? Ouais, c'est sûr qu'il y en a quand même un bon paquet, mais à ma position, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a deux qui s'en vont. OK. Ça devrait être correct de ce côté-là. OK, OK. Au niveau académique, comment ça s'est passé? C'est sûr, c'est une grosse adaptation, parce que là, en plus de l'école qui est beaucoup plus chargée, il y a le football qui prend beaucoup de place aussi, fait que c'est de l'adaptation, puis ça me prend plus, j'ai moins de temps pour faire mes devoirs, mes travaux, tout ça. OK, donc j'imagine qu'après le football, ça va stabiliser quoi que c'est important quelque part, là, parce que si, pas de bonnes notes, pas de football, et puis il va falloir attacher sa mère là-dessus aussi. Ouais, on a quand même des périodes d'études obligatoires pour être sûr. Parce que je pense que ça prend quatre cours. Faut passer quatre cours pour pouvoir jouer la saison d'après. OK. Fait que c'est sûr que c'est très important de ce côté-là. OK, OK. Mathieu, on va te souhaiter la meilleure des chances contre la formation de Saint-Hyacinthe. Ce ne sera pas une game facile. On dit que c'est le bol d'or qui se joue là. Donc, et au plaisir de se reparler. Merci. Mathieu Delisle de Dolbeau-Mistassini, qui est un porte-couleur des Gaillards de Jonquin.